بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم الدرس 29 في شرح عمدة الأحكام aujourd'hui le cours numéro 29 dans l'explication de عمدة الأحكام وتركنا بعض المسائل المتعلقة ب Al-Rusl, min al-Janaba. Nous avons laissé certains sujets qui sont liés au lavage, à la douche du moins, concernant l'état de Janaba. Fait comme le charh al-Hadith al-Ati, c'est Nazkuru Amrin, Inch'Allah Ta'ala. Avant de commencer l'explication du Hadith, du prochain Hadith, on va citer deux ou trois points, Inch'Allah Ta'ala. فأولا في من اغتسل وأحدث حدثا أصغر أثناء الغسل ما حكمه؟ Premièrement, la personne qui fait son ghusl, il fait son ghusl concernant l'état de janaba, il fait son ghusl et pendant qu'il fait le ghusl, il rompt ses ablutions. C'est-à-dire pendant qu'il fait son ghusl, par exemple, il a un gaz. فما حكمه؟ Quel est son jugement? هل عليه أن يعيد الغسل أو يكمله؟ وهل يستطيع أن يصلي هكذا أو لا؟ فاختلف العلماء. Les savants ont divergé concernant ce sujet. فقالت الجمهور يتم الغسل ويستأنف الوضوء حينما يفرغ من الغسل. La majorité des savants, et en réalité ce sont les quatre écoles. Les quatre écoles, donc ils disent que la personne qui est dans ce cas-là, elle finit son ghusl. Elle finit son ghusl et après avoir fini le ghusl, elle fait les ablutions. Après avoir fini le ghusl, elle refait les ablutions, pas le ghusl. Pourquoi ? قالوا لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل. وكذلك لا يبطل لا يبطله إذا جاء في وسطه. Ils disent pourquoi? Parce que les éléments qui vont faire perdre les petites ablutions n'impliquent pas un roussel. Lorsqu'une personne a un gaz, cela ne va pas impliquer un roussel. Et donc ces éléments-là ne vont pas impliquer un roussel. De la même façon, durant le roussel, cela ne va pas annuler le roussel. Le fait d'avoir un gaz pendant que tu fais le roussel ne va pas annuler ce roussel que tu es en train de faire. Al-Hasan al-Basri ذهب إلى وجوب إعادة الغسل واستدل بفتوى عن ابن عمر بإسناد صحيح حيث أمر ابن عمر بإعادة الغسل كما في الطبراني. Par contre, Al-Hasan al-Basri rahimahullah, lui, il voit qu'il est obligatoire de recommencer le roussel. La personne, elle a un gaz, pendant le roussel, elle recommence le roussel à zéro. Et il s'appuie pour cela sur une fatwa d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui a été citée dans le Tabarani avec une chaîne de transmission authentique. Et donc, et Ibn Omar, ici, il ordonnait de refaire le roussel. L'avis de la grande majorité des savants est fort. Pourquoi? Parce que, en réalité, un gaz n'implique pas un roussel. Un gaz n'a jamais impliqué un roussel. Alors pourquoi est-ce qu'on va devoir refaire un roussel à cause d'un gaz? C'est un avis qui est fort. Cependant, l'avis d'Ibn Omar est plus sûr. Mais une personne, voilà qu'il n'a un acharsan. أحدث في أثناء الغسل ولم يعيد الغسل لن نستطيع أن نقول له إن غسله باطل أنه يجب عليه أن يعيده. Par contre, c'est vrai que l'avis d'Ibn Omar, il est plus sûr, mais cependant, lorsqu'une personne, elle fait son ghusl et qu'elle perd ses ablutions pendant le ghusl, puis ne refait pas le ghusl mais continue, à la fin, on ne peut pas lui dire, on n'a pas de preuves suffisamment lourde pour imposer à la personne de faire le roussel, de refaire le roussel. Donc voilà par rapport à cette divergence. Et aussi, لو أن الرجل يغتسل من الجنابة ثم ذهب إلى عمل ما فخرج منه بقية المني هل يجب إعادة الغسل؟ Lorsqu'une personne, elle a fait le ghusl concernant l'état de janaba, elle a fini le ghusl et ensuite elle va travailler, vaquer à ses occupations, et après cela elle constate qu'il y a des restes de liquide spermatique qui descendent. Est-ce que la personne doit refaire le ghusl à cause de ce liquide spermatique? Ja'a 'an Ibn Abbas bi isnadin sahih fi musannaf Ibn Abi Shayba annahu yatawadda faqat. Il a été cité selon Ibn Abbas avec une chaîne de transmission authentique dans le recueil d'Ibn Abi Shayba qu'il va juste refaire ses ablutions. Parce que ce qui est voulu, donc, quand on dit que la sortie du liquide spermatique implique l'obligation du ghusl, ce qui est voulu par là, c'est le premier liquide spermatique. C'est pas le reste qui dépend et qui suit ce premier. Et donc, à partir du moment où la personne elle a fait son ghusl, ce qui descend par la suite va juste impliquer les ablutions. Et non, le fait de recommencer le ghusl. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. Et ensuite donc l'auteur qui nous dit, et selon Abdullah ibn Umar, que Umar ibn al-Khattab رضي الله عنهما a dit: ô messager d'Allah, est-ce que nous pouvons dormir alors que nous sommes en état de janaba, comme un homme qui a eu un rapport avec son épouse et ensuite qui veut dormir? Est-ce qu'il peut dormir sans faire le ghusl? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: na'am, oui, si il a fait ses ablutions alors qu'il dort. S'il a fait ses ablutions alors qu'il dort. اتفق العلماء على جواز نوم الجنوب قبل الاغتسال واختلفوا في حكم وضوئه. Les savants sont unanimes quant au fait que l'homme qui est en état de janaba, il peut dormir avant de faire son ghusl. Mais les savants ont divergé, est-ce qu'il doit faire ses ablutions avant ou pas? Ils ont divergé, est-ce que cette personne doit faire ses ablutions ou pas? قال أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك قالوا بأن الوضوء يستحب قبل النوم لمن كان في هذه الحالة. أبو حنيفة الإمام مالك, ils ont dit que il est recommandé de faire les ablutions pour la personne qui est dans cette situation. Il est recommandé en se basant sur ce hadith que nous avons ici, en se basant sur ce hadith. الشافعي وأحمد قالوا بأنه يكره للجنوب أن ينام على هذه الحال. L'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, il voit qu'il est détestable. Donc on reprend la différence qu'on a vue hier entre mustahab et makruh. Et donc, je pose la question ou quoi? Alors, la différence entre mustahab et makruh, qui me la donne? Faddal. المستحب إذا قام به الشخص فله أجر وإذا لم يقم به فليس له وزر. نعم. والمكروه إذا قام به ليس له أجر. ليس له وزر. نعم. لا يستحق العقاب. نعم. وإذا قام به. نعم. إذا تركه. لا إذا تركه عند أجر. Ailleurs. Et donc, le mustahab, c'est ce que lorsque la personne elle l'accomplit, lorsque la personne elle le fait, elle est récompensée. Elle le fait pour Allah, elle est récompensée. Elle le délaisse, elle ne mérite pas de châtiment. Ça, c'est le mustahab. Le makruh, lorsque tu le fais, tu ne mérites pas de châtiment, ni de punition. Mais par contre, lorsque tu le délaisses pour Allah, tu es récompensé. Et donc, Abu Hanifa et l'imam Malik, il voit que le fait de faire les ablutions, c'est mustahab. Le fait de faire les ablutions, c'est mustahab. Mais que c'est moubah de dormir en état de janaba sans avoir fait les ablutions. C'est moubah. Al-Shafi'i et Ahmad, ils voient que c'est makruh, c'est détestable. Ils voient que c'est détestable de dormir dans cet état. Wa dhakara al-ulama 'an adh-dhahiriyyah annahum qalu bi wujub al-wudu' liman arada an yanama wa huwa junub. Et les savants, ils ont cité que adh-dhahiriyyah, ils voient qu'il est obligatoire de faire les ablutions avant de dormir. Obligatoire, en se basant sur ce hadith. Cependant, voilà qu'il alladhi yadhhar huwa al-qawl al-awwal an al-qawl al-awwal huwa al-aqwa. Wallahu a'lam. Cependant, le plus apparent, c'est que le premier avis est le plus juste, l'avis d'Abu Hanifa et Malik, qui dit qu'il est recommandé de faire les ablutions, particulièrement que cet avis a été rapporté de plusieurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khassatan anna hadha al-qawl huwa qawlu kathir min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال نعم إذا هي رأت الماء. Et donc ensuite l'auteur nous dit selon أم سلمة la l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Ummu Sulaym, la femme de Abi Talha, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, certes Allah n'est pas gêné de la vérité. Est-ce qu'il est imposé à la femme de faire le rousl? Est-ce qu'il lui incombe de faire le rousl lorsqu'elle a rêvé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Naam, oui. Si elle voit le liquide. Oui, lorsqu'elle voit le liquide. Ra'ayna hadha al-hadith sabiqan. Ce hadith, on l'a déjà vu. On l'a vu quand? On l'a vu pendant la daura, pendant le séminaire. Imam al-Bukhari, Kitab al-Haya. Le livre de al-Haya de la pudeur. Le livre de la pudeur, on a vu ce hadith donc dans Sahih al-Bukhari. Wa qad dhakarna an al-haya' khuluqun yahmilu al-mar' ala fi'li al-khayrat wa ijtinab al-munkarat. On a vu que la pudeur est un caractère qui va pousser l'individu à faire du bien et à délaisser le mal. Kama annana ra'ayna kadhalika an al-haya' la yamna'u min al-khayr. Nous avons vu aussi que la pudeur n'empêche pas de faire le bien. Comme fi hadha al-hadith, comme dans ce hadith, Umm Sulaym tahtaj ila jawab li hadha su'al. Umm Sulaym, elle avait besoin d'une réponse à cette question. Est-ce que la femme doit faire le rousl ou pas? Elle avait besoin d'une réponse. Fa haya'uha lam yamna'ha min as-su'al, min tarh as-su'al. Et sa pudeur ne lui a pas empêché de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika li yu'lam أنه يجب الإيمان بأن من صفات الله تبارك وتعالى الحياء. Et aussi, il est important de savoir que parmi les attributs d'Allah تبارك وتعالى, il y a الحياء, la pudeur. ولكننا لا نمثل حياء الله تبارك وتعالى بحياء المخلوقين كما هو الحال في سائر الصفات. Cependant, nous ne faisons pas ressembler la pudeur d'Allah tabaraka wa ta'ala à la pudeur des créatures, comme c'est le cas pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadith dalilun ala anna al-ihtilam aw mujarrad al-ihtilam la yujib al-ghusl. Et ce hadith est une preuve que le fait de rêver, que seul le fait de rêver ne suffit pas pour rendre le rousse obligatoire. C'est pas parce que la personne a rêvé que cela veut dire que le lendemain il lui est obligatoire de faire le rousse. Walakin al-ribra bi ru'yatil ma'. Cependant, ce qui est pris en compte, c'est le fait d'avoir vu le liquide, une trace du liquide dans les vêtements. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الغسل بالاحتلام وإنما علقه برؤية الماء. Car le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas lié le غسل au fait de rêver, mais il a lié le غسل au fait de voir le liquide. Comme il l'a dit, نعم, oui, elle doit faire le غسل إذا رأت الماء, lorsqu'elle voit le liquide. Et donc voilà pour ce hadith. Et donc là, demain, inshallah ta'ala, on continue avec les autres hadiths du chapitre. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable et les serve capables de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayyakum Allah.